بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في هذه التذكرة عن أمور الصيام، عن أحكام الصيام وحكمه. فالصيام هو أحد مظاهر العبودية المطلقة لله، المطلقة لله رب العالمين. ومما لا شك فيه أن الصيام من أجل العبادات وأعظمها، لأن الإنسان يجاهد نفسه ويعاكس شهواتها بترك طعامه وشرابه وجماع أهله. كل هذا يجب أن يكون بنية العبادة لله رب العالمين. Donc louange à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblé de ces assises. C'est notre deuxième assise autour de ce sujet, de ce rappel sur les règles et sagesses du jeûne. Le jeûne est l'un des aspects de la soumission absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun doute que le jeûne est une noble adoration, car le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala prodigue des efforts. Il va à l'encontre de ses désirs et de ses envies, en délaissant la nourriture, la boisson, les rapports charnels avec ses épouses, et il accomplit cela, et il doit accomplir cela par soumission au souverain du monde subhanahu wa ta'ala. Fa bis-siyam yastajibu al-muslimu لأحكام ربي سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وذلك بالامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع في يوم صومه، مؤمنا بأن هذا الامتناع طاعة لله سبحانه وتعالى الذي لا معبود بحق سواه. فهو بالصيام يجدد، فالإنسان بالصيام يجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الغاية الوحيدة من وجوده في هذه الدنيا هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية التامة لخالقه وخالق الكون كله، القائل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسياق هذه الآية في سورة الداريات يعني الحصر والقصر، أي خلقوا وخلقهم الله سبحانه وتعالى فقط لعبادته، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على الله سبحانه وتعالى كما يفعل بعض الجهلة وسيء الأدب مع الله. كيف لا نأكل لا نشرب لا نرتزق ولا نعمل ولا نعيش؟ فهذا من جهة جهل، ثم سوء أدب مع الله عز وجل. فإن الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو خالق الكون سبحانه وتعالى، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يقدر كل شيء. فكيف نعترض على كلامه سبحانه وتعالى؟ بل علينا كمؤمنين ومسلمين أن نؤمن بذلك، وأن نقر أن الله ما خلقنا إلا لهذه الغاية. أما جهلنا فهو عدم فهمنا أن المسلم في حياته يمكن أن يكون عابدا لربه في أموره كلها، حتى الأمور العادية، في سعيه على معاشه ورزقه بالطرق المشروعة، وفي عشرته لامرأته في الحلال الطيب، وفي تأديبه وتربية أولاده تربية طيبة، فهو مأجور في كل ذلك إن كانت له نية صالحة في ذلك. وليست العبادة مقصورة فقط على الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام وركائزه، لكن العبادة بمفهومها الشامل تشتمل كل شيء ما دامت النية لله عز وجل، وما دامت وفق شرع الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ف دونك avec le jeune, le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala a mis en application les règles dictées par l'unique subhanahu wa ta'ala. Nous s'abstenons de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels avec ses épouses pendant la journée du jeûne, tout en croyant que cette abstinence est une obéissance au seul digne d'être adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le jeûne, le soumis à Allah renouvelle son pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, confirmant ainsi l'unique but de son existence dans cette vie, qui est l'accomplissement de la soumission totale à son souverain subhanahu wa ta'ala, qui a créé cet univers et ce qu'il contient. Et tout ceci se fait conforme au verset 56 dans sourate Dariyat, les vents qui éparpillent, qui nous dit dans la traduction approximative du sens du verset: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils me réservent le culte exclusivement. Le sens Le sens du contexte de ce verset, c'est la limitation et la restriction, ce qui veut dire qu'ils ont été créés que pour l'adoration d'Allah. Et il ne nous est pas permis de s'opposer à la signification de ce verset. Comme certains ignorants dotés de mauvais comportements avec Allah subhanahu wa ta'ala le font, en disant: comment on mange pas, on boit pas, on travaille pas, on vit pas? Ceci d'une part, c'est une ignorance totale, et d'autre part, c'est un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui a décrété que les djinns et les humains sont créés uniquement pour l'adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le souverain du monde, c'est notre créateur, c'est celui qui subvient à la subsistance de toute créature. Comment s'opposer à ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala? Au contraire, il est du devoir du croyant et du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de croire en cela et de confirmer que nous avons été créés pour ce noble but seulement. Quant à notre ignorance, c'est qu'on n'a pas compris que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa vie entière, peut être dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes ces situations, même dans les choses qui concernent son bas monde, et dans lequel il prend son plaisir, dans le fait de chercher sa subsistance, par les voies légiférées, dans les rapports charnels qu'il a avec ses épouses, dans la bonne et correcte éducation qu'il donne à ses enfants, et même dans son sommeil. Pour tout cela et tout ce qu'il fait, s'il l'accompagne d'une bonne attention, il est en adoration et il en sera récompensé. Il va dormir pour se reposer, avec l'intention de se reposer pour avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera récompensé de par cette intention qui accompagne son sommeil. Il prend son plaisir avec son épouse, avec l'intention de se préserver du haram, et de la préserver du haram, et d'avoir une descendance pour augmenter le nombre de la communauté de Mohammed alayhi salatu salam. Pour cette noble intention, il aura pris son plaisir, ainsi que ses femmes, et il sera récompensé. Il en est de même de son épouse. S'il répond à son mari et se soumet à lui pour qu'il puisse assouvir ses désirs, il sera récompensé pour cette intention. Il en est de même en partant chercher la subsistance halal avec l'intention de subvenir aux besoins de ses parents ou de sa famille. Il sera récompensé de par cette intention qui accompagne cette recherche de la subsistance. On voit bien que l'adoration n'est pas limitée tout simplement à salat, à zakat, à siyam, à hajj. Ceci, ce sont les piliers de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'adoration dans son sens complet englobe toute chose s'il est accompagné de l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la législation d'Allah. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset 162 à 163 dans Sourate le Bétail, dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a aucun associé et je suis le premier soumis. » فهذه العبودية المطلقة بمفهومها الشامل والكامل تتمثل في استجابة العبد لمنهج ربه سبحانه وتعالى ولشرعة خالقه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياته الاعتقادية والعملية، ما يعتقده وما يقوله وما يفعله، كما مر في الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه العبودية بهذا المفهوم تراها تارة في سجود مصل، وتارة في جوع صائم وعطشه، وتارة في دعاء داع لربه سبحانه وتعالى معرضا عن دعاء المخلوق، وتارة في حصات يرمي بها الحاج جمرة من الجمرات. فتمسك حصى حجرة صغيرة ترمي بها جمرة من الجمرات في أيام الحج، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. Donc cette soumission absolue dont sa définition la plus complète se concrétise par le fait que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se soumet à la voix de son souverain subhanahu wa ta'ala et à la législation de son créateur dans toute chose, dans sa vie, qu'il soit grand ou petite, dans ce qu'il vit, que ce soit au niveau des croyances, ou au niveau des actes, ou au niveau des paroles, comme cela est stipulé dans le verset 162 et 163 dans Sourat le Bétail, cité auparavant, dit « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, il n'a aucun associé et je suis le premier soumis. » Cette définition de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, on la voit se concrétiser dans la prosternation d'un prieur. On la voit se concrétiser dans la soif et la faim d'un jeûneur. On la voit se concrétiser dans le dua de quelqu'un qui implore Allah uniquement. Et on la voit aussi dans le petit caillou avec lequel le pèlerin lapidait une stèle lors du pèlerinage. Le fait de prendre ce petit caillou et de le lancer sur une stèle lors du pèlerinage, ceci est un acte de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Est un acte d'adoration au souverain du monde, subhanahu wa ta'ala. Fa taratan hadi al-ubudiyya taraha fi hijab tartadihi al-mar'atu litastura jasadaha wa zinataha wa taratan tarahu fi 'iqdi zawaj bayna shabin wa shab muslimayn liyakuna aghadda li basarihima wa ahsana li farjayhima وتارة في حد شرعي يقيمه من له السلطان على زان أو سارق، وتارة في إماطة الأداء في إماطة أدى عن الطريق، وتارة في زكاة يخرجها من له مال وجبت فيه الزكاة. فالإنسان يمشي في الطريق ويجد زجاجة أو مسمار أو قشرة موز، قشرة ديال البنان، ينحيها، فهذا من الإيمان وهذا من الدين، فإن إماطة الأذى عن الطريق عبادة ومن الدين. Donc on voit cette soumission et cette adoration au souverain du monde subhanahu wa ta'ala se concrétiser aussi dans le hijab qui couvre le corps de la femme et casse son corps et sa beauté, comme on le voit se concrétiser aussi dans l'acte de mariage entre un jeune homme et une jeune femme pour qu'ils se préservent de l'illicite, Comme on voit cet acte, cette soumission se concrétiser dans une sentence légiférée que le gouverneur accomplit contre un voleur ou contre un fornicateur. Et des fois, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise par le fait de débarrasser le chemin de quelque chose qui va causer du mal aux passants. On marche dans la rue, on voit un bout de fer, un bout de verre, ou un clou, ou une peau de banane. En enlevant ceci de la route avec l'intention que les gens ne subissent pas de mal avec, ceci est un acte d'adoration. Et ceci fait partie de la foi et de la religion. Débarrasser le chemin ou la route d'un mal, c'est un acte d'adoration et ça fait partie de la religion. فطارة كذلك ترى هذه العبودية في زكاة يخرجها من له مال وجبت فيه الزكاة وطارة في طاعة امرأة لزوجها وتأدبها معه وطارة في بر ولد لوالديه وإحسانه إليهما وطارة في شفقة على يتيم وعطف عليه وطارة في شربة ماء يسقاها كلب عطشان وطارة في رد للباطل وطارة في تحذير من مبتدع وبدعته فهذه عظمة هذا الدين التي يجهلها الكثير من المسلمين إلا من رحم ربك وقليل ما هم قال عز وجل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ذلك الدين القيم الموصل إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة نعم أخ الإسلام تكون عبدا لربك وتؤجر في شربة ماء تسقيها كلبا عطشان وتعرفون الحديث أن بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها ودخلت الجنة في كلب سقته وامرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت لا تطعمها ولا تسقيها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض المرأة الباغية ليست فقط زانية وهذه عظمة اللغة العربية المرأة الباغية ليست فقط زانية فالزانية يمكن أن تكون امرأة عاشقة تعشق رجلا فتزني به ويزني بها لأنهما عاشقان كل منهما يعشق الآخر يجب أن نتأمل عظمة هذه اللغة العربية وكيف تميز بين الأفعال حتى يتبين لك خطر الفعل لكن البغي والبغية هي المحترفة هي التي اتخذت من الزنا حرفة تعيش منها وهذا ذنب كبير وعظيم جدا ومع ذلك هذه البغية ماذا فعلت؟ حتى غفر الله لها وأدخلها الجنة كانت تمشي في مكان لا ماء فيه وهي عطشانة وجدت بئرا فنزلت فيه وشربت من البئر نزلت إليه لماذا؟ لأنها لم تجد شيئا تنزع به الماء لا دلو ولا حبل فلما وصلت شربت وصعدت رجعت ووصلت إلى أعلى البئر وجدت كلبا يلحس الطرى يلحس الأرض من العطش يعني من شدة عطشه ها كان يلحس الرمل قالت هذه البغي لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش فنزلت مرة أخرى إلى البئر وخلعت خفها من الجلد ما كان في رجلها وملأته بالماء وحملت خفها بين أسنانها لكي تتمكن منه أن تخرج من البئر وأن تصعد من البئر فصعدت وسقت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة كما أعلمنا بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه فالتوحيد أمره أمر عظيم لماذا؟ التوحيد يعلو كل شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به فلعل قائلا يقول: أيمكن أن تكون هذه البغي موحدة؟ ها؟ الله لا يغفر لمن يشرك به، فلا شك أنها موحدة. والذي يفهم أن الكبائر تخرج من الدين فقد شابه الخوارج. الخوارج عندهم الذنوب تزيل الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذه الكبائر تنقص الإيمان ولا تنقذه، والفرق بينهما نقطة، هذه تنقص وهذه تنقض، الفرق بينهما النقطة على الضاد، هذه تذهب بالإيمان كل هذه النقطة، والأخرى تنقصه، تنقص من أجره. فهناك فرق بين النقص وبين النقض. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise aussi par le fait de s'acquitter de la zakat quand on a atteint le quota dicté par la législation d'Allah. La soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise aussi par l'obéissance de la femme à son mari et par son bon comportement à son égard, comme la soumission se concrétise aussi par la bienfaisance vis-à-vis des parents, et aussi par la compassion pour un orphelin. Et des fois, il se concrétise aussi par la réfutation des faux et l'avertissement contre les innovateurs et les innovateurs, et aussi par le boycott de quelqu'un avec des conditions légiférées, comme il se concrétise par le fait de donner à boire à un chien qui meurt de soif. Certes, tu es soumis à ton souverain et tu seras récompensé par le fait de donner à boire à un chien qui meurt de soif ou qui a soif. Vous connaissez le hadith d'une prostituée de Banu Israël à qui Allah a pardonné et l'a fait rentrer au paradis à cause d'un chien assoiffé à qui il a donné à boire. Une autre femme est rentrée en enfer à cause d'un chat qu'il a enfermé jusqu'à ce qu'il meure, sans le nourrir et sans le laisser aller chercher sa nourriture. Dans la langue arabe, il est parlé du bari. Le bari, ce qui se traduit par prostituée. Et ce n'est pas simplement une femme qui commet zina. Zania, c'est une femme qui désire un homme et fornique avec sans être mariée, car ils s'aiment mutuellement. Mais le bari, c'est celle qui commet l'adultère de façon professionnelle. C'est son métier. Il vit avec ça. Et ceci est un énorme péché. Cela attire notre attention sur la sublimation et la grandeur de cette langue arabe, qui donne des définitions et qui utilise des mots différents pour te montrer le danger des situations. Tazina et Talbari. Il n'y a aucun doute que quelque part ils se rejoignent. Mais le bari est un degré plus élevé que Zania, celle qui est avec un homme et qui accomplisse des actes parce qu'il aime cet homme. Il est en danger, c'est un péché capital. Mais l'autre, qui c'est son métier, il vend son corps pour ça, c'est encore plus pire et plus dangereux. Et cela te montre l'importance d'acquérir la langue arabe pour bien cerner les termes et pour bien comprendre la parole des hommes de science et ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous prouve la suprématie de cette religion et la suprématie de cette langue qui véhicule cette religion. Donc, cette prostituée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un jour où il était en train de marcher dans un endroit désertique où il n'y a pas d'eau, en ayant très soif, et d'un coup il se trouve face à un puits où à côté du puits il n'y a ni corde ni seau. Comment faire pour boire? Il a pris son mal en patience et il est descendu au fin du puits pour boire. Une fois qu'il a été étanché sa soif, il a grimpé comme il a pu et arrivé en haut. En arrivant en haut, il voit un chien. Un chien qui lèche le sable, qui lèche la terre de soif. Il s'est dit dans son cœur, il a eu un sentiment pour ce chien. Hein? Il s'est dit, ce chien est en train de subir ce que j'ai subi. Et il est redescendu une deuxième fois au fin du puits. Et comme il n'y a pas de seau pour remonter l'eau ni quoi que ce soit, il a enlevé ses chaussures. Une de ses chaussures, il l'a remplie avec de l'eau. Et il l'a prise avec sa bouche et ses dents. Et il a commencé à grimper, hein, pour sortir du puits et pour arriver à la fin. Donc, il a servi à boire à ce chien. Allah l'a récompensé en lui pardonnant. Et il a fait rentrer au paradis, comme le n'a annoncé le véridique qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wassalam. Il lui a pardonné et il l'a fait rentrer au paradis. Et ça, c'est les mérites du monothéisme. Le monothéisme prend le dessus sur tout, toute chose. Certains peuvent se poser la question, est-ce que cette prostituée peut être monothéiste? Ben, rappelle-toi le verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset dans sa traduction approximative du sens du verset? Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer, mais en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. Hein? Et celui qui comprend que les péchés capitaux font sortir la personne de la religion, celui-là est pollué par l'esprit des Khawarij. Car pour le Khawarij, les péchés capitaux font sortir de l'islam et balayent la foi complètement. Mais pour les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, la foi augmente et diminue. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Donc, les péchés capitaux diminuent la foi de la personne et ne l'annulent pas tant qu'on ne croit pas que ces péchés capitaux sont autorisés. Lidalika, la yanbaghi li muslimin an yastahzi'a bi ba'd al-'usat. La yanbaghi an nastahzi'a bi ahadin. Al-ba'd yaskhar min ba'd al-'usat wa ba'd al-'asiyat min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fa yasma' an mughanniya aw mughanni aw fannan قد اعتمر وحج فيبقى يسخر من هذا المغني وهذه المغنية وهذا الفنان وهذه الفنانة ها أو يسمع بأن فنان أو فنانة عنده مائدة إفطار صائم طول شهر رمضان في مكان ما فيبدأ يستهزئ ماذا ستفعل له هذه المائدة كيف مع المعاصي الذي هو فيها وماذا ما يفعل كذا لا يجوز السخرية من أحد ولا الاستهزاء بأحد مهما كان فقد قال رجل ممن كان قبلنا لرجل والله لا يغفر الله لك لما رآه مقترفا لكثير من الذنوب فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك قد غفرت له وأحبطت عملك فهجر هذا العاصي والمصر على المعصية لتأديبه يجوز شرعا لكن أن تسخر منه وتستهزئ منه هذا ممنوع شرعا إياك أن تشعر أنك أفضل من الناس أو أن تحتقر مسلما مهما كانت ذنوبه فديننا دين عظيم ورحمة الله رحمة واسعة، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فشربة ماء يسقى بها كلب عبادة، إذا كانت بنية خالصة لله عز وجل، فماذا بين هذه البغية وهذا الكلب؟ لا شيء. ماذا ترجو من الكلب؟ ها؟ إلا أنها عطفت عليه وتريد بفعلها وجه الله عز وجل، فكان أن غفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة. فلا تحقر من العمل شيئا أخي الإسلام. Donc, c'est pour cela, tout en boycottant les obstinés dans les péchés capitaux avec les conditions légiférées, on ne doit pas se moquer d'eux. Certains se font plaisir par le fait de se moquer de certains désobéissants ou désobéissantes ou certains obstinés dans leurs péchés capitaux. Quand ils entendent des fois qu'une chanteuse ou qu'un chanteur, qu'un artiste ou une artiste est parti à l'Umra ou à l'Hajj, tu l'entends, qu'est-ce qu'il va le faire avec tous les péchés qu'il fait? Comment il ose encore aller? Subhanallah. Hein? Qu'est-ce que ça va lui servir? Et quand ils entendent qu'un artiste ou une artiste, il a une table durant tout le mois de Ramadan, il sert à manger pour la rupture du jeûne aux gens, ils se moquent de lui. Akhi l'Islam, il n'est pas permis de se moquer de quelqu'un, peu importe le degré, peu importe le degré de débauche dans lequel il se trouve. Le boycotter pour son intérêt est une chose autorisée. Se moquer de lui, c'est quelque chose qui est interdit dans la religion d'Allah. Dans les communautés, comme l'on a annoncé Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, dans les communautés qui nous ont précédés, un homme a dit à un autre, quand il l'a vu être obstiné sur beaucoup de péchés, il lui a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Allah a dit, qui se substitue à moi? Je lui ai pardonné et j'ai anéanti tous tes actes. Je lui ai pardonné et j'ai anéanti tous tes actes. Et cela est relaté dans un hadith authentique du véridique qui n'a dit que la vérité. Attention, il ne faut pas croire qu'on est mieux que les autres. Et on ne doit pas mépriser les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les péchés qu'ils commettent, certes, on a le droit de les boycotter pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bon, n'est pas bien. Il n'est pas admis dans la religion. Hein? On a le droit de les conseiller. Mais pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, car la porte du repentir est grande ouverte et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Sa miséricorde devance sa colère subhanahu wa ta'ala. Notre religion est une religion de miséricorde. Le boycott, selon ses règles, fait partie de cette miséricorde. Il sert à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien. Méditez maintenant l'acte de cette prostituée. Donner à boire un chien, s'il est accompagné avec l'intention pour Allah, où est-ce que ça amène le pardon de tout ce qu'a fait cette prostituée? Et le paradis, d'être comblé par le paradis. Quelle relation il y a entre cette prostituée et ce chien? Qu'est-ce qu'il peut espérer cette prostituée de ce chien? Sinon, ce qu'il y a, c'est tout simplement ce qu'il y avait dans le cœur de cette prostituée, qui a fait cette compassion qu'il avait, et le fait que cette prostituée ait cette clémence, et avoir fait cet acte pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de l'enfer et lui a accordé le pardon et le paradis. تأمل أخ الإسلام حال هذه البغي مع أنها كانت تقترف ذنبا عظيما ومع ذلك لا زالت عندها رحمة وعاطفة فلما رحمت هذا الكلب رحمها رب العالمين برغم عظم ذنوبها. والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Donc nous devons méditer la situation de cette prostituée. Malgré les péchés capitaux qu'il a commis, il lui restait encore de la compassion dans son cœur et de la miséricorde dans son cœur. Et quand il a eu pitié de ce chien, le souverain des mondes lui a pardonné. Il a récompensé, il a absous tous ses péchés. Subhanahu wa ta'ala. Et comme le messager d'Allah a dit, ceux qui font clémence aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait clémence. Soyez clément avec ceux sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala il vous fera clémence, il sera miséricorde avec vous. Bien sûr, tout ceci doit être accompagné avec le monothéisme. Il n'y a aucun doute. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer. Et donc, garde cette bonne intention qui a accompagné le geste de cette prostituée. Oh, garde, il lui a prévalu le pardon d'Allah et l'entrée au paradis. D'où la parole de notre messager, alayhi salatu salam, aucune œuvre, ne néglige aucune œuvre, aussi minime soit-il. Et aussi la parole du messager, alayhi salatu salam, ceux qui font miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera miséricorde. هذا المفهوم، هذا هو مفهوم العبادة. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن فريضة الصيام يجب على المسلم أن يقيم على التوحيد وعلى أصل الدين، وأن يصوم بنية الطاعة لله رب العالمين، أن يصوم بنية الطاعة لمن فرض هذا الصوم، لا أن يصوم كعادة أو كموسم يأتي كل عام، أبدا أخ الإسلام. Donc et ça on retient de cela la majesté de cette religion que beaucoup de gens ignorent et ne comprennent pas. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Et il est dit dans la traduction du sens du verset cité ici, le verset 40 dans Sourate Yusuf, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est l'unique religion d'Allah, c'est l'unique religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui mène et qui oriente vers tous les biens de ce bas monde et ceux de l'au-delà. Il n'y a aucune religion qui amène maintenant vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis l'envoi de Muhammad alayhi salatu salam. Et à partir de ce que nous avons dit hier lors de notre assise et ce que nous venons de dire, il apparaît clairement que le jeûne doit être basé sur l'intention de l'obéissance à Allah qui a décrété subhanahu wa ta'ala l'obligation du jeûne de Ramadan. Et le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas jeûner par coutume ou par habitude ou parce que c'est la saison du jeûne ou parce que c'est la saison annuelle du jeûne abadan. Mais il doit accomplir le jeûne dans la sincérité pour Allah et dans le suivi de son messager alayhi salatu salam. فيقول أهل العلم من خلال تأملهم لأحوال الناس وصبرهم لأحوال الناس خلال شهر رمضان، يقولون إن الكثير يصومون عادة لا عبادة، وهذا إن دل على شيء يقول العلماء يدل على أنهم لا يفهمون حقيقة الصيام ولا يعرفون حكمته. فلنتذكر أننا خلقنا لعبادة رب العباد، فجوعنا وعطشنا وإمساكنا عن عشرة أهلنا لا بد أن يكون بنية العبادة للمعبود بحق سبحانه وتعالى. وكما يقول العلماء كثير من الناس إذا تأملت أحوالهم يصومون عادة، ومنهم من يصوم ولا يصلي، ومنهم من يصلي في رمضان فقط، ولو كانوا يفهمون لما خلقوا له أكانوا يصومون ولا يصلون، أو كانوا يصلون فقط في رمضان؟ أبدا أخ الإسلام، هذا يدلك على أنهم لم يفهموا حقيقة الصيام وحقيقة العبودية لله عز وجل. Les savants, que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, de par l'observation et la méditation sur la situation des gens et de la communauté durant le mois de Ramadan, disent que beaucoup de gens jeûnent par habitude et non par adoration. Et cela prouve une chose, comme disent les savants, c'est que les gens ne comprennent pas la réalité du jeûne. Ils ne connaissent pas ses règles et ses sagesses. Nous devons nous rappeler que nous avons été créés pour adorer le souverain du monde, subhanahu wa ta'ala, uniquement. Donc notre faim, notre soif et notre abstinence des rapports charnels avec nos épouses doivent être basés sur l'intention de la soumission totale au digne, au seul digne d'être adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'ont si bien dit les savants, beaucoup de gens jeûnent par habitude. Quand tu médites la situation de beaucoup de gens, ils jeûnent car c'est la saison du jeûne et parce que tout le monde jeûne dans la famille. Certains jeûnent, ils ne prient pas. D'autres jeûnent, ils prient que durant le mois de Ramadan. S'ils avaient compris le but pour lequel ils ont été créés, est-ce qu'ils vont jeûner sans prier ou prier tout simplement durant le mois de Ramadan? Abadan akhal islam. Mais ils n'ont pas compris. فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَفْهَمُ حَقِيقَةَ الصَّوْمِ فَتَرَاهُ يَصُومُ عَلَى لَحْمِ الْغَنَمِ وَلَحْمِ الْبَقَرِ والدجاج وما تشتهي الأنفس ولا يصوم على لحوم النساء الكاسيات العاريات فتجده يقضي وقته من قناة إلى قناة على لوحات الرقص والمسلسلات المائعة والأغاني فهو صائم عن الأكل والشرب ويقضي يومه في النظر إلى ما حرم الله إلى الكاسيات العاريات ويسمع ما حرم الله عز وجل وهذا يحرم عليه في رمضان وغير رمضان ولعدم فهمه لماذا يصوم يقول أنا أسلي صومي أندوز الوقت بماذا يسلي صومه باش يدوز الوقت بالحرام وفي المقابل إذا سمع العلماء يقولون يجوز للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم يجن جنونه ويقول هذا دين جديد ومع هذا أن من هو خير منا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas la réalité du jeûne. Tu le vois, il s'abstient de manger toutes sortes de viande et toutes sortes de bonnes choses qu'il a l'habitude de manger et de boire. Mais il ne s'abstient pas de zioter les femmes nues ou presque nues. Hein? En passant son temps derrière l'écran d'une télé, d'une chaîne à une autre, d'un feuilleton à une autre, d'une chorégraphie de danse à une autre et ainsi de suite. Ou alors sur l'écran de son téléphone, ou devant son ordi, ou devant sa tablette, d'un haram à un autre, d'une série à une autre, à zioter ce qu'il n'a pas le droit de voir durant, en dehors du mois de Ramadan. Et qu'est-ce qu'il en est durant le mois de Ramadan? Il s'est abstenu de tout ce qui est halal et tout ce qui est illicite, et passe sa journée et son temps dans ce qui est haram et ce qui est illicite pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et vu qu'il ne comprend pas pourquoi il jeûne, il dit, j'agrémente mon jeûne et je veux passer le temps. Comment ça, t'agrémentes ton jeûne avec le haram? Tu passes ton temps dans le haram? Avec quoi il passe son temps? Avec le haram. Et comme si le musulman a du temps à perdre. Et comme si on ne va pas être jugé sur chaque seconde de notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de la religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et à l'opposé de ça, quand il entend les savants dire qu'il est permis d'embrasser sa femme en étant en état de jeûne, il devient fou. Il commence à crier. C'est quoi cette nouvelle religion? Alors que celui qui est mieux que lui, et mieux que l'humanité entière, et mieux que tout un chacun parmi nous, embrasser ses femmes en état de jeûne, alayhi salatu wassalam. Walakin, تقبيل الزوجة هذا مقيد مقيد بالتحكم في النفس فإذا خشي أن يوقع التقبيل في الجماع لا يقبل فقد ثبت عند الشيخين عند الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه أي كان يتحكم في نفسه أملك الناس لنفسه عليه الصلاة والسلام لكن كان يقبل من القائلة عائشة رضي الله عنها زوجته رضوان الله عليها ويكره التقبيل للشاب دون الشيخ لماذا؟ للحديث الذي أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطبراني في الكبير والحديث حسنه أهل العلم روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم قال لا فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم يا رسول الله قال نعم قال فنظر بعضنا إلى البعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه إن الشيخ يملك نفسه ففي الوقت الذي يكون هذا الجاهل هدانا الله وإياه إلى الحق يكون هو وزوجته بجواره ينظران جميعا إلى الحرام يمتنع عن تقبيلها سبحان الله أتمتنع عما أحل الله لك وتتهم من يرشدك إليه وإلى العلم الصحيح بأنه جاء بدين جديد وأنت ترتكب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه في رمضان وفي غير رمضان donc mais le fait d'embrasser son épouse en état de jeûne est conditionné par le fait de se maîtriser. Et si on ne se maîtrise pas et qu'il y a risque d'aller plus loin, dans ce cas-là, on s'abstient. On n'embrasse pas. Il est rapporté chez l'imam Ahmed et chez l'imam Muslim. Il est rapporté chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Aïcha a dit, qui c'est Aïcha? La femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui sait mieux ces choses que elle, radhiyallahu anhu, et ses autres femmes? Aïcha a dit, le messager d'Allah embrassait en état de jeûne et il faisait des câlins en état de jeûne. Tout en étant le meilleur d'entre vous à maîtriser son désir. Regarde la condition. Tout en étant le meilleur parmi vous à maîtriser son désir. Mais sans ça, il embrassait, alayhi salatu wassalam, il faisait des câlins à ses épouses. Cela, akhal islam, est conditionné. Cela est déconseillé pour le jeune et il est autorisé pour les personnes d'un certain âge. En effet, il est rapporté chez l'imam Ahmed ainsi que chez Tabarani. Et c'est un hadith que certains hommes de science ont dit qu'il est, que c'est un hadith hassan, d'autres l'authentifient. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un jeune vint, il dit, ô messager d'Allah, puis-je embrasser lorsque je suis en état de jeûne? C'est un jeune. Et il dit, ô messager d'Allah, puisse Hein? Puis j'embrassais, lorsque je suis en état de jeûne, le messager lui a dit non. Puis vint un vieux qui lui posa la même question. Ô messager d'Allah, puis-je embrasser en état de jeûne? Le messager d'Allah lui répond oui. Les compagnons, le rapporteur du hadith, il dit, on se regarda les uns les autres. Puis le messager a capté. Puis le messager leur a dit, la personne âgée parvient à se maîtriser. Hein? La condition. La personne âgée parvient à se maîtriser. Le jeûne, ça peut l'amener très loin. Et si ça l'amène trop loin, ça veut dire qu'il doit jeûner 2 mois successifs. Hein? Et là, on remarque bien la non-compréhension de la religion chez beaucoup de gens. Au moment où il est avec sa femme sur le divan, ou là sur le canapé, ou là sur le sdari, à regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il s'abstient d'embrasser sa femme ou de lui faire un câlin. Regarde maintenant, il s'abstient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé. Par contre, il s'abstient pas du haram qu'il est en train de regarder, des chansons haram qu'il est en train d'écouter. Il accuse ceux qui lui apprennent la science authentique d'avoir amené une religion nouvelle. Il commet ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, et accuse les autres d'avoir ramené une nouvelle religion. Hein? Fa الذي لا يمتنع عن الفساد ولا يمتنع عن اللغو ولا يمتنع عن الغيبة وعن النميمة وعن سماع ما حرم الله والنظر إلى ما حرم الله فهذا يقول العلماء لا حد له من صومه إلا الجوع والعطش ما عنده شيء إلا أنه جاع وعطش ودليلهم على هذا الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرب الزور في الأغاني في الكذب في النميمة في الشهادة الزور الكلام الفاحش كل شيء هذا من الزور وهذه عظمة هذه اللغة كلمة واحدة تدل على معاني كثيرة فتأمل هذا القول من الذي لا ينطق عن الهوى من لم يدع أي لم يترك فالصيام ليس فقط جوع وعطش وإمساك عن الجماع مع أهله بل الصيام عبودية لله رب العالمين فالله عز وجل فرض الصيام لكن هذا الصيام يجب أن يصوم القلب وتصوم الجوارح ويصوم البطن والفرج كل هذا يجب أن يصوم من الله سبحانه وتعالى donc celui qui ne s'obstient pas du mal et ne s'éloigne pas des chansons et de regarder ce que Allah سبحانه وتعالى interdit et ne délaisse pas la médisance et le colportage et le faux témoignage et les obscénités hein. Les savants disent, celui-là n'a du jeûne que le fait d'avoir subi la soif. Il n'a de son jeûne que le fait d'avoir subi la soif et la faim. La preuve est dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, Abu Hurayra radiallahu anhu arda a dit, celui qui n'abandonne pas le faux, le blâmable, le mensonge, la médisance, tout ça rentre dans le... Regarde, la grandeur de la langue, Zor, te rentre tout dedans. Les chansons, le blâmable, la médisance, tout ce qu'il faut rentre dedans, tout ce qui est blâmable. Celui qui ne délaisse pas Zor et sa pratique, Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Médite cette parole du messager, alayhi salam. N'abandonne pas. Ne délaisse pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Le jeûne, ce n'est pas seulement la faim et la soif il abstinence des rapports charnels avec les épouses. Le jeûne est une soumission à Allah, le souverain des mondes, qui a décrété que le jeûne de Ramadan est une obligation. Et qu'on se rappelle aussi le hadith chez Ibn Majah et chez Darimi, rahimahumullah, que certains ont jugé authentique. Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. ونتذكر هذا الحديث عند ابن ماجه وعند الدارمي رحمهم الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش من القائل الذي لم ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم رب صائم ما عنده من الصيام إلا الجوع والعطش السلاء est dû au fait que celui-là n'a pas saisi le véritable sens du jeûne qu'Allah nous a prescrit. Celui qui agit ainsi n'a pas saisi réellement le véritable sens du jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoire. فهذا الذي لا يصوم عن ما حرم الله عز وجل لم يفهم حقيقة الصوم الذي أوجبه الله علينا. فهذا سيعاقبه الله سبحانه وتعالى فهو هذا ها تحت مشيئة الله يستحق العقاب celui-là agissant ainsi ها il mérite le châtiment d'Allah سبحانه وتعالى et il sera privé des récompenses du jeûne فهذا يستحق العقاب وكذلك هذا ينقص من أجور ومن ثمرة الصيام d'où la part des choses que les savants parmi nos pieux prédécesseurs d'Allah ont fait entre l'interdiction qui est relative à un acte d'adoration et celle qui l'annule et celle qui ne l'annule pas. Il y a une grande différence. Par exemple, celui qui s'abstient de boire et de manger, hein, et il ne s'abstient pas du haram. Cela a diminué la récompense de son jeûne. Hein. La récompense, cette gare, il n'aura pas, selon le degré de sa débauche, il n'aura pas de récompense. Et cela ne l'annule pas, contrairement à celui qui va avoir un rapport avec sa femme. Cela va annuler son jeûne. Ou qu'il mange, cela va annuler son jeûne. Hein. Donc les savants on fait la part des choses. Donc, d'où la part des choses que les savants parmi nos pieux prédécesseurs ont fait entre l'interdiction qui est relative à un acte et qui, hein, et qui l'annule, hein, et celle qui ne l'annule pas. L'acte charnel avec son épouse va annuler son jeûne. Mais le fait d'écouter le haram ou de faire une désobéissance, cela va diminuer la valeur de son jeûne et la récompense. Donc il y a une énorme différence entre les deux. C'est pour ça que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se doit de comprendre la réalité du jeûne. Hein? Et que la réalité du jeûne et le vrai jeûne, c'est aussi le jeûne des membres du corps. Lui, la vue, la langue. Hein? Ces membres doivent s'abstenir des péchés. La langue du mensonge, des propos obscènes, du faux témoignage, de la médisance, du colportage. ولهذا على المسلم أن يفهم حقيقة الصيام. عليه أن تصوم جوارحه اللسان عن الكذب عن قول الزور اليد عن السرقة العينين عن النظر إلى ما حرم الله الأذنين عن سماع ما حرم الله سبحانه وتعالى فالصائم هذا الذي صام بطنه عن الأكل وعن الشرب وامتنع عن جماع أهله لكن عندما يتكلم يتكلم بالخير يتكلم بما يرضي الله عز وجل عندما يفعل شيء يفعل ما يرضي الله عز وجل ولا يفعل ما يفسد صومه وينقص أجر صومه. Et donc le réel jeûneur, c'est celui, bien sûr, qui s'abstient de boire et de manger et d'avoir des rapports charnels avec son épouse. Mais quand il part, il ne dit que des bonnes paroles. Et il fait avec ses mains que les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Et avec ses pieds, il va que vers les endroits que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Et il ne fait pas quelque chose qui va corrompre son jeûne et qui va diminuer la valeur de son jeûne. Hein? Il ne prononce que des bonnes paroles par sa bouche et accomplit des bons actes par les membres de son corps. C'est ça le jeûne prescrit. فَالصَّوْمُ الَّذِي أَرَضَهُ اللَّهُ مِنَّا صَوْمُ الْجَوَارِحْ كَدَالِكَ زِيَادَ عَلَى الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَ Le jeûne, ce n'est pas simplement s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses femmes. Le jeûne, c'est l'abandon des péchés aussi. Comme on abandonne la boisson, la nourriture et les rapports conjugaux la nuit. Hein? Comme, hein? Si on n'abandonne pas la boisson, la nourriture et les rapports, cela va annuler notre jeûne. Hein? Mais les péchés capitaux vont diminuer la valeur de notre jeûne et les récompenses de notre jeûne. Ou anéantir complètement la récompense du jeûne. Hein? Et donc, vu que le jeûne, ce n'est pas tout simplement s'abstenir de boire et de manger, mais c'est aussi s'abstenir des péchés. Si la boisson, la nourriture et les rapports annulent le jeûne, ben les péchés vont diminuer la valeur et les récompenses du jeûne. Le messager d'Allah a incité le musulman et la musulmane en état de jeûne à se munir d'un bon comportement et de s'éloigner des propos obscènes et de la rudesse. C'est cela est demandé aux musulmans et à la musulmane tout le temps, ben cet ordre s'accentue encore plus durant l'accomplissement du jeûne. Fa Rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta l'umma ala l'adab al-rafi'a wa ala l'akhlaq tayyiba wa amarana bi an nabta'ida anil fawahish ha wa idha kana hada matloub min al-muslim fi hayatihi kulliha ففي رمضان يتأكد عليه أن يبتعد عن هذه الأمور لكي يصون صومه. Donc il incombe aux musulmans de s'éloigner de tel acte qui porte atteinte à son jeûne, afin d'en profiter et d'atteindre taqwa, qui est le but du jeûne. فعلى المسلم ويجب عليه وينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور التي ستنقص من صيامه ومن أجر صيامه وستحرمه من التقوى التي هي حكمة هذا الصيام أن يصل إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي بصيامكم تصلون إلى التقوى ولا يمكن أن تصل إليها وأنت تنظر إلى الحرام وتسمع الحرام وتقول الحرام ها أبدا. فالتقوى امتثال الأوامر بدليل من الكتاب والسنة رجاء ثواب الله والامتناع عما منع الله سبحانه وتعالى بدليل من الكتاب والسنة مخافة عقاب الله عز وجل. إذنك il incombe à tout musulman et toute musulmane de s'éloigner de tels actes qui porte atteinte à son jeûne afin d'en profiter et d'atteindre taqwa. Le verset, il est clair. Le summum des buts du jeûne, c'est d'arriver, c'est d'acquérir taqwa. Et taqwa, c'est le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant la récompense min Allah. Et c'est aussi de s'abstenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, avec preuve du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et si on ne s'abstient pas du haram, si on ne s'abstient pas d'écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, de jeter ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, de dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, bah on n'arrivera pas à cette provision qui est taqwa. Hein? Et on ne l'aura pas. Hein? Et le verset il est clair, il vous a été transcrit, c'est-à-dire ordonné, ainsi qu'à ceux qui vous ont précédé, hein? Le jeûne du mois de Ramadan, hein? Pour que vous atteigniez, pour que vous arriviez à avoir taqwa. Et taqwa, c'est la meilleure des provisions, comme il est dit dans le verset. فَالتَّقْوَى أَحْسَنُ الزَّادِ رَبُّنَا يَقُولْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى لَكِنْ إِذَا لَمْ نَمْتَنِعْ عَنِ الْحَرَامِ فَسَنُحْرَمُ مِنَ التَّقْوَى. Et taqwa, c'est la meilleure des provisions. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset. Prenez vos provisions, il est meilleur, c'est-à-dire pour le delà, il est meilleur des provisions étant taqwa. Mais si on ne s'éloigne pas du haram, on va arriver à avoir cette provision. Abadan akhal islam. Le haram diminue, la désobéissance diminue la foi de la personne. Le jeûne akhal islam est un moyen pour atteindre taqwa. Car le jeûne réprime l'âme de commettre beaucoup de transgressions vers lesquelles l'âme se penche. Hein? Et selon la parole authentique de notre messager alayhi salatu wassalam, le jeûne est une protection. Donc profitons du jeûne. Fassaw wasila lil wusul ila at-taqwa wa at-tazawwud bit-taqwa. لأن الصوم يكبح النفس ويحبسها عما لا يرضي الله عز وجل ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية يقيك مما لا يرضي الله عز وجل فعلينا أن نفهم لماذا نصوم والغاية التي خلقنا من أجلها. Donc il est de notre devoir de comprendre pourquoi on jeûne et de comprendre le but et de se rappeler mutuellement et toujours le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. فَعَلَيْنَا أَن نَتَذَكَّرَ دَائِمًا وَأَبَدًا وَأَن نُذَكِّرَ بَعْضُنَا بَعْضًا الْغَايَةَ الَّتِي خُلِقْنَا مِنْ أَجْلِهَا. فَسَأَلَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَى أَنْ يَجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.